Il nous reste les instants classiques à faire. Oh oui! Oui, les meilleurs moments d'assemblage requis. Et si on les oublie, si on les fait pas là, on va les oublier, c'est sûr. Parce qu'à un moment donné, on veut tous oublier ces moments si difficiles à vivre qu'on a eu le plaisir d'avoir à assemblage requis. Comme tes jeux de mots de première position. Sûrement. Qu'on fera tantôt. Hey, oui. Drop the instant classique. Voici les meilleurs moments d'assemblage requis pour la semaine du 9 avril 2012. Fête des lapins qui avait lieu en fin de semaine, François. Tu sais ce que ça fait des lapins, hein? Ben oui. Ça fait la chose. Comme David Giguère. Ah, c'est fou. Bon matin, et bonne semaine des lapins. Semaine des lapins. Pas des lapins brûlés en centre, là, ça, c'était vendredi. Non, non, non. Il y en a qui sont fondus. C'est le groupe 1. C'est sûr que écoute, j'ai un parti pris, hein, parce que si tu remarques, il y a un gars qui est beau, hein, ben, ça. Il me ressemble drôlement. Il y a un lien de Marchand. Un lien quelque chose. Marchand, tu dis Marchand? Ouais, Marchand. Marchand, ça, Marchand. Ton nom de famille, c'est quoi? Marchand aussi. Marchand aussi. Drôle d'adon. Hein, Marchand de bonheur. Ouais, lui, c'est un marchand de quoi, lui? Ah, ben, le marchand de bonheur. Mais ça, c'est toi, le marchand de bonheur. Oh! Ah! Mec, t'es tendre ce matin. Pauk, hein, c'est ce que ça fait. Fête des lapins. Approche pas. Check mon oreille, hein? Quoi? Again. Queue de lapin, c'est ça que j'aurais dû dire. La première de la semaine, d'ailleurs. Oui, ben parce oui. Hier, on n'était pas là. C'était pas nous autres. Mais vous nous avez entendu quand même. Des imposteurs. On essaie de voler notre job. Ah non. Les briseurs de grève. Ben, des scabs. C'est le circuit à chaque fois, lui. C'est plus un fouet, je pense. Ouais. Non? Ça ressemble plus à ça. Toi, le Bobo Watson, en Masters. Fin de semaine au Masters, en deuxième prolongation. Merci, Bobaku. Merci, Bobo. Baba Watson. Ouais. Assemblage, Rocky. Michael Bublé, Rocky. Non? Non. Hey, bye-bye. Hey, oui, avec François-Olivier Marchand et Mathieu Plante. C'est nous autres. Oui, bonjour. Malheureusement. Désolé, on est là. Sorry! I'm sorry. Ça va faire? Ouais. C'est bon? Okay. Jasmine vient d'arriver. Je pense que elle voit que j'essaie de mettre le plus de pep possible ce matin. Ah ouais. Pourquoi qu'Angélie vous chicane tantôt? Ben nous, chicane. Écoute, lève tout debout. OK. Lève tout debout, enlève ton chandail. OK, c'est fait. À date, deux étapes de fête. Je serais pas vraiment plus pépé, je te dirais. Non? Mathieu Obeden, ta parouette. C'est un peu insultant, là. Mais en même temps, tellement. Moi, ça me donnerait du pep par le goût. Ouais, c'est ça. Deny my dear. Deny my dear. Hey, t'as du talent, François. Mumford and Sons et la pièce Little Lion Man. Pourquoi tu dis que j'ai du talent? J'étais impressionné à chaque fois. Parce que je chante bien. Ben oui. Je ne fausse jamais. Jamais. Et puis, j'ai le rythme dansant. Oui. Oui. Oui. Merci. Merci, Mathieu. Comme Will Smith. Oh! Vrai, Will. Pas ça, c'est un compliment. Le prince de Bel-Air, toi! François, on va parler de choses geeks maintenant. Oh. Je te demande de faire un rap. Un rap, là. Faut que tu m'avertisses un peu d'avance. Puis okay. J'écris des mots qui riment ensemble et puis je te fais une petite tonne. Et que t'es débutant. Vas-y donc, toi. Wiki, CNX, c'est dans la vie, c'est dans la technologie. CNX, c'est la vie. Parce que les autres, ils ont pas besoin de se coucher tard. Faut se coucher tard pour savoir qu'est-ce que tu fais dans ton ordinateur. Tar. Yeah, son starter, wiki. Ok, c'est assez. Ça va faire? Ok, on arrête. Radio. Oh. Galope. Get up. Monte sur ma cuisse. Hein? Descends sur sa cuisse. C'est Mathieu Plante! Wow! Je pourrais me lever debout en même temps. Un vrai Ricky D. Hey, écoute, Ricky D, oh! Pas sûr que c'est un compliment, écoute. Pas tant, non. Non, pas non, tant. C'est ça. Hey, écoute, on peut faire un autre tirage pour une paire de billets. On prend le troisième appel! On prend le troisième appel! Sur la hotline! Tu veux le rappeler le numéro de la hotline tout de suite? 819-376-5183! Ouais, parfait! Bon, t'en as une copine que t'as pas réussi à pogner là-dedans. Non, hors de leur contexte. Non, le contexte est là. Fallait juste tendre l'oreille pour entendre toutes les petites subtilités qu'il y avait là-dedans. Mais tous les contextes étaient là. Fort que tu réécoutes, je pense. Parfait. Comme Baba, là. C'est Baba Watson, un golfeur, je pense. OK, ouais. Il existe pour vrai. Ouais, OK, pour parfait. Ouais, c'est ça. Des fois, c'est compliqué un peu à comprendre, mais bon. Donc voilà, c'était les meilleurs moments d'assemblage requis. C'est ce qu'on dit, en tout cas, pour la semaine du 9 avril 2012. Pas la meilleure semaine. Non. Non, mais on a eu du plaisir quand même. Oui. Ouais. Semaine de Pâques, hein? Les, ouais. Blagues, les blagues volent bas. Pas les blagues. Mais ça a pas rapport avec le Pâques, là? Non, je sais, mais c'est une excuse. Ok, parfait. Il me faut des excuses, trop des fois. Trop de chocolat. Trop de chocolat. C'est comme une drogue. Kat, elle a honte en ce moment. Elle est là, puis elle regarde, puis elle fait comme... Hey, Colin, hein, c'est... C'est... Tu sais, je sais pas, un chat, ça monte ses dents. J'aime ça te laisser parler comme ça, comme... Tu sais? Non.